عشق فيك يا عربية بتبلدي وكده بهمني بقلي علي

cru qu'il était plein, t'as fini au baladin. J'fais le tour du périph', c'est comme ça qu'on se baladin. Qatari est champion, toujours numéro 1. Que Dieu me pardonne, j'fais vider des bouteilles. J'repars pour les gros, salam à tous mes reilles. Je sais qu'un jour j'vais couler, oui que j'vais vous saouler. Mais tant que je serai là, la concurrence va recouler. Jusqu'au bout de la night, autant c'est abusé, c'est le phénomène. Jusqu'au bout de la night, la musique nous a usé. La plupart sont des gros mythos. J'ai cassé ma télé, j'ai jeté ma radio. J'ai quitté les gens qui surveillent ma vie derrière leur rideau. Je ne veux plus me lever au chant du cocorico. Les convocations à répétition au comico. Je veux me dorer la pilule sur les plages de Porto Rico. Me lever, fumer un cigare, me rendormir aussi. C'est ça la vie, c'est ça la vie. 40 degrés à l'ombre au soleil. Je veux juste oublier mes soucis et m'exiler avec un max d'oseille. C'est ça la vie, c'est ça la vie. 40 degrés à l'ombre au soleil. Avec un max d'oseille. Direct sur Copacabana, Copacabana, Copacabana, Copacabana. J'ai sorti mon cigare à la Havana. Chemise hawaïenne, Tony Montana. Copacabana, Copacabana, Copacabana, Copacabana. J'ai sorti mon cigare à la Havana. Chemise hawaïenne. C'est Skyrock et c'est Rail Suprême. Et c'est déjà la fin de Rail Suprême. Ouais. Mais la c'est bonne la nouvelle, fin, mais on se retrouve demain. Demain, oui, c'est que j'ai envie de dire, c'est que la bonne nouvelle, c'est que c'est Rail Suprême tous les soirs de la semaine. Exactement. 2021, le grand retour de Planète Rap avec DJ. Qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on peut, on peut savoir ce qui va se passer pendant cette semaine? Il y aura de nombreux artistes qui vont passer. Il y aura des mix aussi. Il y aura des mix, il y aura des surprises et on vous fera découvrir l'album. L'album qui est toujours en précommande, 6,99€, qui sort dans une semaine, l'album de Case. C'est ça. Paris, Oran, New York. Merci Case. Allez, ciao, ciao. Allez, à tout à l'heure pour le Planète Rap entre 20h et 21h, spécial DJ Case, spécial Paris, Oran, New York. Ou sinon pour les fans de Rail Suprême, dans une semaine, tu seras aussi là. Eh oui, comme tous les dimanches. À pas louper. Passez une bonne soirée. Le son de Skyrock, c'est reparti. Ciao.